La conférence conjointe des gouvernements, des partis politiques et des organisations de notre République pour matérialiser à fond l'orientation en matière de réunification de la patrie, précisée par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès historique du Parti Travail de Corée, a eu lieu le 9 courant au Palais de la Culture du Peuple à Pyongyang. Y ont pris part Kim Yong-chol, vice-président du comité central du Parti Travail de Corée, Yang Hyung-sop, vice-président du Présidium de l'Assemblée Populaire Suprême, le vice-premier ministre Kim Yong-jin, le président du comité central du Parti social-démocrate de Corée Kim Yong-dae, le vice-président du comité central du Parti chondoïste Chung-woo Yun Jong-ho, les cadres des organisations sociales et autres délégués du gouvernement, des partis politiques et des formations comme le comité Nord pour l'application de la déclaration commune du 15 juin, la direction du Nord de l'Alliance pan-nationale pour la réunification de la patrie et la direction Nord de l'Alliance pan-nationale de la jeunesse et des étudiants pour la réunification de la patrie. On y a discuté le sujet sur la tâche du gouvernement, des partis politiques et des formations de la République pour matérialiser à fond l'orientation en matière de réunification de la patrie, précisée par le maréchal Kim Jong-un au 7e congrès du Parti Travail de Corée. Les orateurs ont dit que la ligne et l'orientation précisées par le maréchal Kim Jong-un en matière de réunification de la patrie sont l'expression de sa noble fidélité et de son amour de la patrie pour défendre fermement et faire briller à jamais l'idée de la réunification de la patrie et les exploits de direction du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il en ce que pour établir à coup sûr un état puissant réunifié. Ils ont ajouté que le maréchal Kim Jong-un avançait la ligne indépendante en matière de réunification de la patrie conformément à la situation actuelle et à la demande de l'époque et conduit à une nouvelle étape supérieure, la lutte pour réunifier le pays. Ils ont souligné qu'il faut livrer avec force la lutte pour réaliser la grande union nationale et la réunification indépendante de la patrie en s'unissant étroitement au-delà des différences d'idéologie et d'idéal, d'opinion politique et de croyances, et dynamiser le mouvement de la réunification par la solidarité avec les partis politiques, les formations et les personnalités de différents milieux de la Corée du Sud qui soutiennent la triple charte pour la réunification de la patrie. Les participants ont adopté un appel à l'adresse de toute la nation coréenne.